plus en qui je crois, en qui j'ai cru. Je sais plus si je vais droit comme au début. Ce que je sais, c'est que c'est pas foutu. Quand je pense à cette France, la souffrance, notre enfance, trop en transe. Je crise trop, par mourir dans un bistrot. Juré, histoire, prison, c'est bidon. À part si c'est pour du bifton, ça je comprends. L'État nous comprend pas, trimé pour même pas une prime par mois. Calcule ça en euros, je fais quoi avec ça? Pas d'heureux, t'as beau être loin d'une prison, même avec un micro. En tant que pro, pas besoin d'être enfermé avec des matons. Pour manquer de liberté, réfléchis, un espace immense, infini, peut incarcérer la vie. Il suffit d'un mal-être, d'une maladie ou d'une tête pas nette pour stopper la vie. Qu'on soit dans une prison, grand mur, tapissé en mousse jaunie, je te disais, et de barbelé, sans te parler d'être à l'ombre, pour se sentir étouffé, d'être au frais. Tout dépend des fardeaux à supporter, prisonnier du passé. Il faut vivre et mourir, accepter ce destin où l'on meurt, où le temps meurt trop vite, les plantes meurent. Le jour où nos souvenirs doivent mourir, on sera tous Alzheimer, et personne n'est trop pauvre pour le mériter, pour le mériter. Je vais t'expliquer, je préfère me rouler un que de m'ouvrir une bouteille de vin à 9h20 du matin. Faut pas abuser, c'est plus un plaisir. Et je vais accuser les faits qui te fait plus maîtriser. Après la cuite, ton foie s'est brisé. T'as des fuites, tu te laisses jamais cicatriser. Ensuite tu prends des extas, tu te fais tester par l'état. Et regarde où t'en es, tu prends conscience que la vie c'est pas infini, pas infini, pas infini. Vu d'ici on apprend et comprend toujours quelque chose. Et c'est flagrant, prends les exemples de la vie, nous. Je te donne mon avis, y'a pas de préavis pour aller au paradis. Le paradis c'est juste un mot, avec une bonne santé et le gros lot du loto t'y est. On est plein à rêver, pendant que d'autres pensent au braquage. C'est clair, la rage, mieux que de faire des ravages. Et mieux que de rester sage. Je suis pas né d'un village blanc, visage d'une cité. Où je suis né, la banlieue bétonnée, le milieu. Je suis pas de là-bas, c'est patelin, c'est fils à papa. En patin qui se la pète, alors qu'ils savent pas le prix d'une barrette. Et ça pète, qui se la pète. Qui on raquette des charrettes, faut que j'arrête de blâmer, les blâmer, les crismer. Comprends-le pas mal, si tu te sens visé sur ce que je disais. Si t'as pas vécu, sirène, en semaine, par centaine. Et les pétitions, j'ai pas signé, les voitures calcinées. On veut tous du blé, dépenser, penser, faire des projets. Et sans monnaie, c'est l'enfer, faut travailler. Et en tant qu'ouvrier, faire employer pour trimer. Payer le loyer du foyer, préfère s'éloigner. En fait, si j'aime le rap, c'est parce qu'on peut s'exprimer. Pour pas déprimer, remonter le moral. Ce que je te dis en fait c'est juste mon avis. Regarde, les animaux sont les juifs d'aujourd'hui. Ce qu'on teste, qu'on méprise, qu'on extermine sans surprise. Dans les élevages, industries, des labos de notre société, de barjo. N'ont pas le droit à la vie, ils sont qu'une viande, pas le choix. Un manteau de fourrure, une machine à tester les bactéries, les produits du futur qui nous empoisonnent comme la vache folle. Et sont trop esclaves de l'homme. Les nazis ne sont plus hitlériens, mais dans la scientifique. C'est clair, si on les fait, hein, ils vont réussir. Un grand génocide pharmaceutique de nos jours, on périra tous. Les prisonniers, les parias, les sans-voix qui périssent par millions. Pas le droit d'aller contre la nature, c'est eux c'est qui eux voient. Qui les voient. Plus démunis, ceux qu'on torture. On les a baptisés animaux, tatoués, exploités, sacrifiés. Avec leur science, sans conscience, pour de la viande congelée qui apporte dans nos corps la souffrance et la maladie. Pas d'accord, de l'ignorance, de leur sort. Insensés qui s'appellent torturés.